La connerie humaine est aussi grande que l'univers. Si tu ne comprends pas ça, explique-moi toutes ces guerres. Je renonce à croire que le monde est très bien ainsi. Mettons dans le même sac le pognon et l'hypocrisie. Je te parle de cela et je te parle avec franchise. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, il faut que tu me le dises. L'histoire du monde est jalonnée de bonheur et de malheur. Maintenant je comprends pourquoi tous ces gens meurent. L'idéal d'une vie est impropre avec la misère. Et ta mort sera certaine si tu portes un revolver. La morale hypocrite arrive à rentrer dans ta maison grâce aux hommes politiques que tu vois à la télévision. Hey. Génocide aux actualités. Et nous on reste avachis dans notre canapé. L'humanité est un terme qui nous tient tous à cœur. Dites-moi alors pourquoi les hommes ressentent autant de rancœur. L'avenir est un moment qu'il ne faut jamais oublier. Et bien sûr c'est la même chose en ce qui concerne le passé. Les guerres, les massacres de tous ces dictateurs dévoués ne font qu'une bouchée de tous ces peuples affamés. Je me fixe sur aucune culture et sur aucune religion pour ne pas imiter mais me faire ma propre opinion. Je ne dis pas qui a raison et qui a tort, mais je sais que la paix est montée sur un ressort. Les enfants, c'est horrible d'être soldat avant d'être adolescent. La terreur, l'atrocité de notre beau monde continue inexorablement sa belle ronde. Le nerf de la guerre est présent dans notre société. On peut même dire que le capitalisme est basé sur cette idée. La folie de l'homme a une forte croissance en haut de la hiérarchie, car elle est essentiellement constituée d'un tas de pourris. Il faut que l'amour et l'amitié réchauffent nos cœurs pour que l'ultime recours soit autre chose que la peur. Essayez de partager, de réfléchir avant d'agir, pour diviser tous ces pleurs et multiplier ces sourires. Hey. De rebeux te font mentir sur tes principes, sur le fait d'être humain. L'État ne retient que les stéréotypes. La foi qu'a un homme pour un dieu reste personnelle. Et pourtant ces croyances sont à la base de tout ce bordel. Que tu sois issu des banlieues ou bien de la campagne, il n'est pas encore l'heure de sortir le champagne. L'idée de devenir policier ou CRS ne t'avantage pas, car la politique de répression met tous ces hommes au plus bas. L'abolition de l'esclavage ne date pas de si longtemps, quand on regarde les ravages qu'ont subi tous ces innocents. Aujourd'hui on ressort le problème de l'immigration pour se faire une raison d'une politique de discrimination positive. Et ne pensez plus à rien, pensez la tête baissée. On élise votre président et même vos députés, et vous verrez que les choses ne feront que de s'aggraver. À part pour les gens qui n'ont aucune pitié, à part pour les gens qui n'ont aucune pitié.